Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et pour commencer l'émission, on va revenir sur un thème abordé la semaine dernière. Donc, il s'agit du marathon. Sauf que cette fois-ci, c'est Marie-Claude Dionne qui nous en parle. Et naturellement, elle nous le sert à la sauce historique. Oui. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, je vais parler du marathon. Tout d'abord, pour la petite histoire, le mot marathon provient dans la langue grecque du mot fenouil. Donc, littéralement, marathon serait un champ de fenouil, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Pas vraiment. Non, il en reste pas beaucoup. Dans cette petite ville qui est toujours habitée à Marathon, en fait, elle est située à peu près de 40 kilomètres d'Athènes. Donc, 40 kilomètres est à peu près la longueur d'un marathon aujourd'hui. Mm-hmm. Et à Marathon, il y a une importante bataille qui a été jouée. Ben justement, est-ce que tu peux nous raconter cette bataille? Oui, en fait, on est avec le roi Darius, un roi perse, et les guerres médiques. Donc, aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, mm-hmm. il y a une révolte avec les cités grecques qui sont du côté asiatique, contre la domination perse qui s'en vient, et Athènes va un peu essayer de contrecarrer, et le roi Darius, mais il approuve pas vraiment ce petit mm-hmm. cette intervention là, donc il va arriver en Grèce pour étendre sa suprématie, et il va vouloir s'attaquer à Athènes, mais il va prendre en premier Marathon, qui est plus proche des eaux. Et donc le roi Darius arrive avec 500 000 soldats à sa charge, contre un petit contingent grec là, d'à peu près 10 000 personnes. Oui, ça fait pas le poids. Non, exactement. Puis ces soldats-là sont pas vraiment préparés parce mm-hmm. qu'ils ont pas vu le coup venir, disons. Et donc, on pouvait s'attendre au pire. Mais ce qui arrive, et contre toute attente, on a des très bonnes tactiques militaires et la Grèce va gagner la bataille. Mm-hmm. Et donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de morts. Mm-hmm. On peut s'attendre à ça. Mais aussitôt que la bataille est gagnée, on va envoyer un estafette, un jeune courseur. Un messager pour annoncer la nouvelle. Exactement, mm-hmm. parce que là, Athènes, elle attendait un peu, là, un mm-hmm. peu sur ses gardes. Et donc, la légende veut que le messager ait couru jusqu'à la métropole, jusqu'à Athènes, qu'il ait eu le temps de crier victoire. Et après, mais qu'il est tombé mort, malheureusement. Mmh, mmh. Mais donc, la nouvelle s'est propagée, est arrivée. Mais tu parles d'une légende, mais est-ce qu'on n'a pas trouvé quand même des vestiges, des traces archéologiques de cette bataille? De la bataille, oui, malheureusement pas du coureur. Du coureur, ouais. Mais de la bataille, c'est sûr que les vestiges sont plutôt minimes. Et d'ailleurs, ce qu'on connaît de cette légende-là, c'est à travers les historiens. Les écrits. Exactement. Ouais. Donc, on a Hérodote, Homère et Pausanias. La légende reste quand même assez mystérieuse parce qu'on parle toujours de plein de choses, là. Puis, entre autres, on va parler d'un exploit de Phidippidès qui est aussi rattaché à la course. Il aurait couru 220 kilomètres en deux jours. C'est beaucoup. Pour aller, oui, tout à fait. Je crois que c'est sans arrêt. Pour aller demander de l'aide aux Spartiates, qui est un petit peu plus au sud dans la Grèce. Sauf que, bon, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ça, il le fait pour rien. On lui attribue aussi une rencontre avec le dieu Pan, où tout simplement ce dernier disait plutôt qu'il offrirait son aide pour faire gagner les Grecs contre les Perses. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'on va retrouver sur l'Acropole une dédicace à Marathon avec le dieu au mm-hmm. pied de bouc mon dieu. Pris dans son... Avec lui, en tout cas. Oui, tout à fait, merci. Et on va aussi avoir l'historien plus tard qui va nous donner un nom pour ce premier marathonien qui a fait la course entre Marathon et Athènes. On dit que ce serait un certain Euclès. Mm-hmm. Une des traces majeures présentes à Marathon, c'est la tombe des Athéniens. Donc, c'est une grosse tombe, un monticule d'à peu près 9 mètres de haut jusqu'à 50 mètres de diamètre. C'est pas mal. C'est assez grand, là, qui jonche toujours le paysage de la ville aujourd'hui. Et alors là, j'imagine que les archéologues ont fouillé cette tombe. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? À l'intérieur, on a retrouvé les ossements d'à peu près 190 soldats, des Athéniens, qui avaient péri lors de la bataille de Marathon. Et lors des fouilles archéologiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des traces de banquets. Il faut savoir que les Grecs ont des certains rites funéraires particuliers. Donc, entre autres, quand on gagne une bataille, on va ramener les corps des soldats qui ont péri et on va les mettre sur un bûcher. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va tenir un banquet funèbre qu'on appelle le péridepnon, qui honore en fait la bravoure des soldats qui ont tombé. Mm-hmm. Si on revient à la course, ben, les Grecs connaissaient bien entendu la course comme étant un moyen de communication, mais c'est que les jeunes hommes se promenaient de ville en ville, couraient le plus rapidement possible pour acheminer des communications officielles. Mais on connaît aussi la course dans une autre façon, en fait, c'est la discipline sportive avec les Jeux olympiques. Ben oui. Ce qu'on connaît, c'est les listes des vainqueurs pour la course qui s'appelait le stadion. On voit aussi quelques représentations sur des vases aussi qui vont faire la présentation de coureurs. Puis encore une fois, il y a des historiens qui parlaient de courses qui étaient tenues. Ah oui. Si on se réfère à Olympie avec les Jeux olympiques, dans la course à pied, on avait quatre types de courses. On a la première qui est la longueur d'un stade, donc à peu près 192 mètres. Le deuxième était courir deux longueurs, donc à un aller-retour du stade. Le troisième, c'est une longue distance. Ça pouvait varier entre 7 longueurs de stade jusqu'à 24 longueurs de stade. Donc là, on parle quand même, fallait être assez, avoir de l'endurance. Mais la quatrième, c'est celle qui est un petit peu plus éreintante, c'est qu'on courait entre 2 longueurs et 4 longueurs de stade, mais habillé avec son armure de soldat. Ah oui, là, ça change les choses quand même. Parce qu'on a, avec l'armure des soldats, hoplites grecs, on a un casque, un bouclier, aussi les jambières. C'est à peu près 50 livres de plus. C'est pas facile pour courir. Je crois pas que les gens le feraient aujourd'hui. C'est pas évident. Non. Mais tu parlais aussi, donc, précédemment que... Donc, outre, Euclès qui avait donc porté le message de la victoire de la bataille de Marathon, il y avait quand même des coureurs qui transmettaient des messages de ville en ville. De profession, exact. C'est ça, de profession. J'imagine que c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans l'histoire. De toute façon, tant qu'il n'y avait pas le téléphone, ça devait être un système, un moyen de communication assez courant. Exactement. Mais j'ose le croire aussi. Puis le meilleur exemple qu'on a, outre qu'en Grèce, c'est celui des Chasquis en Amérique du Sud, c'est les Incas, l'Empire Inca entre le 13e et le 16e siècle. On va trouver ces coureurs de longue distance-là qui vont faire des voyages entre les villes pour soit, ça peut être donner des nouvelles, aussi transmettre des messages plus officiels ou des petits paquets. Ou des petits paquets aussi. Là, ils ne pouvaient pas non plus porter une grosse charge non plus. Ce qui est intéressant, c'est les messages officiels qui étaient codés pour que pas tout le monde puisse savoir là, à quoi on faisait référence. Les messages codés est un système de cordelettes et de nœuds qu'on appelle le quipu. Le quipu. Bon, et ça fonctionnait comment, ça, ce quipu et cette cordonnette avec des nœuds pour transmettre un message avec des mots, des phrases? Non, oui, c'est assez mystérieux. Oui, exactement. C'est assez complexe et on n'est pas toujours capable de le comprendre dans son entièreté aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que ça contient des chiffres ou des nombres, mais l'utilité des nœuds avec de la couleur, c'est ce qu'on n'a toujours pas réussi à percer comme secret. On pouvait retrouver à peu près 2000 cordes en plus sur un quipu. Donc, c'était pas mal de messages aussi. Donc, c'est peut-être un aide-mémoire en quelque sorte, plus qu'un message. C'était pour brouiller l'adversaire, moi, peut-être, je crois. Oui, ça aurait vraiment du sens. On connaît aujourd'hui l'existence d'au moins 600 quipus là, qui soient soit connus par les fouilles archéologiques ou dans des études ethnologiques. Donc, on a des quipus qui sont dans des musées. Mais il y en a beaucoup qui sont conservés dans des familles aussi comme un objet Et ces familles-là n'ont pas gardé le mode d'emploi? Le code pour déchiffrer les quipus, malheureusement, non. Puis ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils sont faits donc de matières décomposables le plus souvent possible. Donc c'est souvent très difficile de les conserver dans des endroits un peu... que nous, on aurait chez soi. Et c'est pour ça qu'on a perdu la trace de nombreux de ces quipus-là. J'ai trouvé, en faisant mes recherches pour la chronique aujourd'hui, une thèse quand même assez intéressante du physicien italien Cesare Marchetti. Il note que les empires qui ont généralement une étendue ou une distance maximale de 14 jours de voyage. Il parle entre autres d'ailleurs de l'Empire Inca, qui avec à peu près 40 000 kilomètres de route plutôt chaotique, était capable de relayer des messages assez facilement par les chasquis qui pouvaient se rendre en 14 jours de la frontière jusqu'à la capitale de Kuzo. Il semblerait que ce soit relativement le même cas dans l'Empire perse et aussi dans l'Empire romain. L'Empire romain avait quand même 90 000 kilomètres de route pavée, mais il y avait des chars et des chevaux qui pouvaient se rendre assez facilement un peu partout. Et Marchetti va expliquer cette distance-là maximale par un besoin physiologique, celui de la procréation. Tiens donc. Donc, il se dit qu'un messager va avoir le temps de revenir à sa douce en dedans des 28 jours pour permettre, en fait, de parvenir à avoir des enfants plus facilement. Cette thèse est quand même assez excentrique, mais c'est quand même assez intéressant comme façon. Il y a quelque chose d'intéressant quand même. Mais le reste à voir, c'est vraiment... C'est assez excentrique. Puis on peut se demander quand même si les empereurs ont vraiment considéré les besoins de procréation pour de leurs messagers pour ajuster la taille de leur empire aussi. C'est pas sûr. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claude, pour ce retour tout en course dans le temps. Merci beaucoup. Merci. On va faire une pause musicale sur CKRL et au retour, on descend sous terre sans repère pour voir si cela perturbe notre sens du temps. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter 365 jours d'Oxmo Puccino.